ici-bas. Tous les lilas meurent, tous les chants des oiseaux sont courts. Je rêve aux étés qui demeurent. Sans rien laisser de la velours. Je rêve aux baisers qui demeurent toujours. Hommes pleurent leurs amitiés ou leurs amours. Je rêve aux couples qui demeurent.